e si erudì alla violetta. Advertence. Dans les siècles et pays du monde, tous ont prétendu s'introduire dans la république littéraire. Ces sommes ineptes qui font de leurs prétentions dans un certain appareil artificieux de littérature. Cet extérieur des sagesses peut halluciner à ceux qui ne savent pas combien difficile est de posséder en science. Ce qui est difficile, c'est de posséder et comprendre plusieurs en même temps. L'impossible qu'il est de les embrasser toutes et le ridicule qu'il y a à les traiter avec magistère, satisfaction de soi et désir d'être tenu pour un savant universel. Ni notre ère, ni notre patrie est libre de ces pseudo-érudits, si l'on me permet cette expression. À eux de diriger ces enregistrements ironique tiré de Cadalso avec la finalité que les ignorants ne le confondent avec les véritables sages, à mépris et attardement de la philosophie, en attribuant à l'essence d'une faculté les ridicules idées qui donnent d'elle ceux qui prétendent la posséder, quand à peine ils ont dit bonjour à ces principes. Dédicace à Démocrite et Héraclite. Ses excellences, grand monsieur, tout passé, malgré que tous les siècles nous ont offert beaucoup de quoi rire et de pleurer, les passions et les débilités humaines, et par conséquent, à votre âge, vous auriez pas mal d'objets de pleurs et de rires. Nonobstant, il me semble que l'air qui commence de nos jours aurait mérité de vous faire ressusciter pour que vous riez l'un à plein cœur et pour que l'autre puisse pleurer de toute sa morve et de toute sa rage sur la littérature et les écrivains. Nous allons laisser de côté beaucoup d'autres raisons dont on dit qu'il y a de quoi pleurer et rire. Jupiter vous garde de tout mal, mais surtout d'un mauvais érudit. Oration ou prière avec laquelle on commence les cours et premières leçons. Idée générale des sciences, son objet et leur usage, et des qualités qui sont requises de mes disciples. Siècle heureux, âge incomparable dans les annales du temps, envie de la postérité admirée et outrage de l'ignorante antiquité, déchire son voile l'ignorance depuis l'étoile de Sirius jusqu'à ce que celle qui est ex diametro opposée à elle dans l'immense sphère coule des fleuves de science entre les deux pôles du monde, échappe filante les ténèbres de l'ignorance, décidit et insouciance de l'une à l'autre extrémité de la terre, et plonge dans les noirs abysses, illustré tout l'orbe par les nombres effroyables des très profonds docteurs de 25 à 30 ans d'âge, jusqu'en notre Espagne, terre si dure comme le caractère de ses habitants, est arrivée la production déjà de ses enfants qui ne semblent pas descendants de leur grand-père. Siècle heureux, je dis encore, plus heureux vous quand lui était né, plus heureux que tous ensemble, moi seul, à qui la fortune, plus que le mérite, a placé dans cette sublime chair pour réduire à un système 7 jours toute l'érudition moderne. Je suis lâche sans doute, si compliqué est mon projet, mais l'haleine du désir de gloire, mais elle m'arrête, la respectabilité de mon auditoire, mais elle m'incite l'estimation qu'il me mérite, mais glace enfin la crainte de la critique qu'on m'efface ces hommes tétriques, sérieux et hirsute. Mais déjà m'enflamme les primeurs des applaudissements de tellement d'érudits sans barbe, peigné, poudré, adonisé et blanc, des eaux odorantes de lavande sans pareil, ambre, jasmin, bergamote et violette, de laquelle la voix ultime prend nom, mon école. Mis tous les deux dans la balance, oh tour d'ivoire, narcisse extrême et délicatesse de mon auditoire, l'attirance et l'épouvant, l'attraction et la répulsion. Je sens de l'attraction pour ce qui est attirant, comme la lumière pour les papillons. En réduisant ces deux points à un court horizon, je commence. Le premier va contenir une idée générale des sciences, son utilité et son objet. Le deuxième viendra vous proposer les qualités que sont requises pour suivre ces études. L'un et l'autre seront la première leçon de ces cours. Si nous entendons les sommes graves parler des sciences, ils nous diront quelles sont les splendeurs de cette lumière avec laquelle nous sommes nés, que toutes elles ont la plus étroite connexion entre elles, mais qu'il est suffisant pour chacune qu'il est suffisante chacune par elle-même pour occuper la pensée de l'homme, à qui il s'appelle trop faible par sa nature et presque handicapé s'il le considère sous l'angle de ses préoccupations, passions ou passe-temps. La force de la routine et ses faiblesses, misères et maladies du corps, de celui dont les organes servent à l'âme pour leur découverte médicale, et que c'est pour ça qu'il est très rare que des fois quelque peu d'hommes puissent s'appliquer avec le même succès à deux facultés. Ils vont dire aussi, très payés de leur travail, que l'objet commun de toutes elles, de toutes les sciences, et l'utilité qu'elles ont prêtée aux hommes se divise en deux. L'une est d'obtenir un moins défectueux savoir sur l'être être suprême dont la connaissance se déplace plus dans le cœur de l'homme, rendre tribut dévotion de son créateur. Et l'autre est que pour rendre les hommes plus sociables, il faut les distribuer dans des profils professionnels en sorte de se communiquer mutuellement, chacun leur produit. Formés par leur éducation et s'unissant, disons-le comme ça, malgré les océans et les aéroports. Là, c'est moi qui traduis. Très sain, très sacré, très bon, sera tout cela. Et je ne veux pas le discuter maintenant. Mais moi et vous, mes disciples, avons à considérer les sciences avec un autre objet très différent. Les sciences ne vont servir plus que pour éclairer dans les marches, l'escalier, dans les promenades, dans les concerts d'avant-garde, dans les discussions à bâton rompu, au canapé, dans les salons des collectionneurs et dans les cafés. Et pour nous rendre orgueilleux, superbes, nous remplir de fierté, nous rendre infréquentables et nous infuser une suprême, un suprême dédain, un suprême mépris pour tous ceux qui nous méprise. Et cela est ton objet, ta nature, ton principe et ta fin. 2. Dans cette infaillible présomption, mépriser, laisser de côté tout genre de modération avec les égaux, tout genre de respect aux aïeux et toute espèce de compassion pour les inférieurs. Et vous allez obtenir justement le nom des sages juste pour cela. Vous allez acquérir tellement de renom quand vous obtiendrez tout par la présomption, en vous ornant avec l'érudition que je vais vous dicter. En cela sont comprises toutes les qualités nécessaires pour entrer dans la carrière avec des solides espoirs de que ça vous profite de mes instructions. C'est un texte de Cadalso, je rappelle, et qui me crédite succès. Assez pour aujourd'hui. Courte a été la première leçon, mais quel fleuve pour peu de humidité qu'il véhicule pour entrer dans la mer. Pour entrer dans la mer, ne prend pas naissance d'un petit ruisseau dont les manantiales ne puissent être couverts par la feuille d'un arbre. Demain, je serai plus parlant avec la poétique et la rhétorique, qui sont les facultés les plus traitées de nos jours, malgré que jamais il n'y a eu moins de poètes et d'orateurs.